Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veillon. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une belle nouvelle pour Saint-Prime. Deux promoteurs de l'endroit, Jean Lapierre ainsi qu'Alexandre Dufresne, vont installer un terrain de deck hockey à Saint-Prime, donc au coût de 150 000 $. Les promoteurs, évidemment, pensent déjà créer différentes ligues et on veut même atteindre 50 équipes cet été. Une équipe de deck hockey est formée de 8 joueurs. Saint-Prime a été choisi parce que l'endroit est situé entre Robertval et Mastouillage et Saint-Félicien. Également, Jean-Lapierre et Alexandre Dufresne veulent organiser 2 tournois cet été avec un total de 100 équipes. On va tenter d'ailleurs de rejoindre au cours des prochaines journées un des deux pour nous parler de ce beau projet pour Saint-Prime. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc a perdu le championnat de snowcross en fin de semaine aux États-Unis. Il a perdu en raison de bris mécaniques et il explique comment ça s'est passé. Pas que ça a mal été, ça a super bien été à part cette course-là. J'ai gagné 3 de mes qualifications. Sur 6 en fin de semaine. Les 3 autres, j'ai terminé 2e. Les 2 autres finales, j'ai fait une 2e puis une 3e. Donc, j'ai vraiment été constant toute la fin de semaine. Puis, celle-là de vendredi, j'ai parti 2e. J'ai dépassé tout de suite pour la première place. J'avais une bonne avance. J'avais 6-7 secondes d'avance. La course était dans la poche. Il ne restait seulement que 2 tours. Puis, j'ai eu un bris mécanique, malheureusement. Puis, j'ai fait un DNF, là, comme on appelle. J'ai pas terminé la course, donc ça a vraiment scrappé mes chances pour le championnat. Là. Fait que c'est vraiment dommage pour ça que j'ai tout donné puis que j'ai tout fait correct, mais que ça vienne à un bruit mécanique. OK. On parle de je sais pas comment le mot en français. Et dans un deuxième temps, ben, Tim Tremblay parle que c'est quand même décevant, mais quand même qu'il tire du positif de cette course. Je m'entraîne fort puis que je donne tout mon 110% pour ça, mais tu sais, en même temps, ça fait partie du métier. Puis tu sais, je me suis pas blessé, ça aurait pu être pire, j'aurais pu péter ça se trappe là sur un saut puis me blesser, puis ça aurait pu être vraiment pire. Mais c'est certain que c'est décevant, mais je suis content de la façon que j'ai raté cette année. À tous les week-ends, je me battais pour la première place. J'ai mené le championnat depuis la 3e course, donc je pense que j'ai rien à me reprocher, puis j'étais l'homme à battre définitivement cette année. OK. C'est quand même de bon augure, explique le coureur de Saint-Jean-d'Arc. Voiture de course, mais nous, à chaque année, il y a des améliorations qui se font sur la machine, puis certainement qu'ils vont avoir des straps différentes, comme on pourrait dire, parce que ça a été un petit peu un problème. Seulement pour la marque là, de Skidoo. Les autres compagnies n'ont pas l'air d'avoir un problème avec ça, donc c'est certain que c'est de quoi qu'ils vont travailler. Puis il y a d'autres trucs confidentiels aussi qui devraient sortir l'année prochaine que j'ai pas le droit de dire, mais qu'on espère avoir des avantages. On rappelle que l'Assemblée générale du club de golf de Chibougamau a lieu de ce soir au club de golf de l'endroit. Donc, une invitation est faite aux membres et non-membres. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Pierre-Yves Cardinal, où on parle évidemment de la série sur Jean Béliveau qui débute ce soir à Historia. Également, je me suis entretenu avec le coureur Tim Tremblay. Et également, David Simard vient nous faire un compte-rendu de la dernière fin de semaine en patinage de vitesse sur courte piste. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.